le soleil aura fini sa course, quand le soleil arrêtera d'éclairer, quand je n'aurai plus aucune bourse, quand je ne pourrai plus pleurer. Nous serons deux. Quand on n'aura plus aucune force, quand on ne pourra plus rêver, quand alors la route se corse, quand nous sommes au bout de la jetée. Quand il n'y aura plus que de la pluie, quand nos bras ne pourront plus prier, quand nous serons seuls en pleine nuit, quand nous aurons à peine existé, nous serons deux, nous serons deux. Quand le soleil arrêtera d'éclairer, quand je n'aurai plus aucune bourse, quand je ne pourrai plus jamais pleurer.